Tire ta peau, ma soeur chérie, et baiser d'une lèvre ravie. Et qu'une larme de mes yeux, je te les donnerai sans peine. De nos amours qui te souviennent, si tu remontes dans les cieux, je ne chante ni l'espérance, ni la gloire, ni le bonheur. Et n'est-ce pas même la souffrance, la bouche garde le silence, pour écouter parler le cœur. Et n'est-ce pas même la souffrance, la bouche garde le silence, pour écouter parler le cœur.